Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, des espions en cavale. Second et donc dernier épisode de notre mini-série consacrée à l'histoire des 5 de Cambridge. Ils s'appellent Kim Philby, Donald MacLean, Guy Burgess, Anthony Blunt et un cinquième homme dont l'identité sera révélée bien plus tard. Tous appartiennent à l'élite de la société britannique. Tous anciens étudiants à la prestigieuse université de Cambridge, ils ont les uns après les autres gravi les échelons et infiltré les plus hautes sphères du pouvoir politique et du renseignement en Grande-Bretagne. À eux seuls, ces cinq jeunes hommes vont mettre en place l'un des plus puissants réseaux d'espionnage du XXe siècle. Au prix de risques considérables et sans jamais demander ni recevoir la moindre somme d'argent, les 5 de Cambridge vont livrer à l'Union soviétique des informations capitales. Des renseignements d'un niveau et d'une précision telles que Staline, il est vrai très enclin à la parano, les soupçonnera d'être des agents doubles, ce qu'ils étaient d'ailleurs, mais dans le bon sens pour l'URSS. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale prend fin, toujours tapis dans l'ombre du réseau des ambassades et des services de renseignement, les cinq hommes vont mettre le pied dans un autre conflit, la guerre froide. Mais au fil des années, l'étau va se resserrer autour d'eux. Notre invité aujourd'hui, Sergueï Zhirnov, comme hier, ancien officier supérieur des services de renseignement d'Union soviétique, il est un témoin privilégié de cette affaire. Lors de sa formation à l'école du KGB, il a assisté à une conférence de Kim Philby. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. La conférence de Crimée s'est tenue à Yalta. Dans cette somptueuse résidence d'été arrivent successivement les ministres des Affaires étrangères d'Amérique et d'Angleterre. Monsieur Stettinius, puis Monsieur Eden. Monsieur Churchill entre à son tour. Puis le maréchal Staline vient rejoindre ses hôtes. Monsieur Molotov et Monsieur Stettinius pénètrent dans la salle de la conférence. Et voici rassemblés les hommes qui vont affirmer à nouveau leur volonté d'en finir avec l'Allemagne et préparer leur attitude commune sur les problèmes que posera l'après-guerre. Février 1945, alors que la victoire des Alliés sur les forces de l'Axe semble désormais certaine, une conférence diplomatique au sommet s'ouvre à Yalta, sur les bords de la mer Noire. Il s'agit de définir une stratégie pour accélérer la fin de la Seconde Guerre mondiale et dessiner le nouvel équilibre du monde. Sur la photo prise à l'issue des discussions, on distingue les présidents et chefs de gouvernement des trois grandes puissances. Au centre, Roosevelt, à sa droite, Staline, à sa gauche, cigare à la main, Churchill. Grand absent de cette rencontre, De Gaulle, pas convié, ce sont les puissances combattantes qui sont là. Derrière l'apparente décontraction affichée sur le cliché, la conférence de Yalta marque une rupture profonde dans les intentions des trois grands. Et elle préfigure un nouveau rapport de force, l'opposition entre l'Est et l'Ouest. D'amis de circonstance, le Royaume-Uni et l'Union soviétique deviennent après Yalta des ennemis potentiels. Et dans l'ombre, à Moscou comme à Londres, les services de renseignement passent en état d'alerte. C'est dans ce contexte que les services secrets soviétiques, le NKVD, donnent l'ordre aux 5 de Cambridge de passer à l'action. Quelques semaines plus tard, en cette fin d'hiver 1945, à Londres, au 64 Victoria Street, siège du Special Intelligence Service, le SIS, les services secrets britanniques, se tient une réunion de crise. Autour de la table, on trouve les différents chefs de département, parmi lesquels le tout nouveau et tout puissant patron de la section 9 en charge de l'activité de lutte et d'espionnage contre l'Union soviétique, un certain Kim Philby. Pour l'ancien étudiant de Cambridge, relégué ici à des postes subalternes dans le contre-espionnage, il s'agit d'une progression fulgurante. La taupe épate la galerie. Mais en coulisses, certains racontent qu'il a fait circuler de fausses rumeurs sur son prédécesseur à ce poste et qu'il a donc ainsi récupéré sa place. Et quelle place ! Devenu l'épicentre nerveux de toute la colonne du renseignement britannique, la section dispose de ressources humaines et matérielles quasi illimitées. Ce qui veut dire tout simplement que la fine fleur du contre-espionnage britannique est dirigée par un informateur de Moscou, l'agent double par excellence. Comme en témoigne M. X dans l'émission Rendez-vous avec X, les cinq de Cambridge occupent tous des positions stratégiques. Grâce à ces taupes, Staline, avant chaque conférence avec ses alliés anglo-saxons, connaissait exactement la position de ces derniers. Et ça signifie que l'investissement, enfin appelons-le comme ça, de Deutsch dans ces jeunes et brillants étudiants de Cambridge a porté ses fruits au-delà de toute espérance. Et Staline était très friand d'informations sur les rapports entre les alliés. Pour pouvoir exploiter l'occasion de leur divergence. Bien sûr. Et les rapports conflictuels entre De Gaulle et les anglo-saxons l'intéressaient particulièrement. Bon, inutile de vous dire que tout en effectuant leur travail avec brio, ils vont alimenter leurs amis soviétiques de milliers d'informations essentielles. Ouais. Et ils ne sont soupçonnés à aucun moment. À aucun moment. Le choix de carrière de Philby ne doit rien au hasard. Depuis plus de 10 ans, son agent de liaison au NKVD, qu'il rencontre chaque semaine dans un parc de Londres, lui donne des consignes. Celles-ci sont claires. Kim Philby doit faire son trou dans les services britanniques afin d'accéder un jour à un poste de responsabilité et transmettre toutes les informations auxquelles il aura accès. Les camarades de Philby ne sont pas en reste, à commencer par le turbulent et excentrique Guy Burgess. Lui aussi a intégré le SIS avant la guerre. Désormais, il est en poste au ministère des Affaires étrangères. Il est même le secrétaire personnel du secrétaire d'État au Foreign Office, donc parfaitement placé pour savoir quels seront les prochains coups diplomatiques de Londres. L'Union soviétique pourra tranquillement et ainsi lire dans le jeu de son adversaire, comme derrière un miroir sans teint, le must en termes de renseignements. Guy Burgess va par exemple transmettre les plans d'un exercice de la marine britannique en Méditerranée. Les soviétiques auront donc la liste des identifiants radio d'une très grande partie de la flotte de Sa Majesté. Plus incroyable encore, l'ancien étudiant de Cambridge fait passer une copie des notes personnelles du secrétaire d'État aux affaires étrangères après une rencontre de celui-ci avec le premier ministre britannique au sujet, je cite, de la politique de fermeté que la Grande-Bretagne doit adopter vis-à-vis de l'URSS. Ce qui permet au Kremlin d'anticiper. Et à Londres, dans les cabinets de pouvoir, personne ne se doute de rien. Il faut dire, comme l'expliquera plus tard l'historien Alexandre Adler, que les cinq de Cambridge profitent d'un contexte très favorable. Même si des soupçons existent, finalement, rien n'est fait. La réalité de cette Angleterre de l'après-guerre, pas très fière de ses sympathies pour l'Allemagne nazie avant-guerre, pas très fière du rôle de ses services secrets, profondément angoissée par la perte de l'Empire, c'est tout ce que raconte John le Carré dans ses romans, avait une sorte d'incapacité métaphysique ou anthropologique à repérer les traîtres chez elle. Cela ne lui plaisait pas, elle ne voulait pas laver son linge sale. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il ait eu une volonté délibérée de masquer ce genre de choses qui, à l'évidence, est de nature à compromettre toute l'activité d'un service de renseignement. Donc en réalité, on peut plutôt mettre... la continuation de l'activité de Philby, de MacLean et de Burgess sur le compte de la négligence et de l'impéritie. Troisième homme de la bande, Donald MacLean. Souvenez-vous, l'étudiant plutôt discret mais fasciné par son mentor Burgess et s'enflammant à chaque discours de Philby lors des soirées à la Société secrète apôtre. Eh bien, ce même MacLean se retrouve lui aussi à un poste de clé. Après un début de carrière aux affaires étrangères, il est désormais le secrétaire du Royaume-Uni pour le Trust de l'Atome, une commission anglo-américaine secrète en charge du partage de technologies pour le développement de la bombe atomique. Rien que ça. Grâce à MacLean, les services secrets soviétiques découvrent ainsi l'état des recherches américaines sur la bombe, l'intégralité d'une note du projet Manhattan, ce qui va permettre à l'URSS d'évaluer le nombre d'armes nucléaires que les États-Unis peuvent fabriquer. De leur côté, Anthony Blunt et le cinquième homme, l'anonyme, sont aussi de toutes les intrigues. Blunt, retiré du service actif du MI5 à sa demande, réussit à obtenir un poste très prestigieux, conseiller des collections royales. Escalité, il se rend chaque semaine au palais de Buckingham, où il rencontre la reine, son mari, le duc d'Édimbourg, avec qui il discute peinture italienne de la Renaissance, échange des confidences ou tente de glaner des informations. Et, là encore, comme c'est le cas pour Philby, Burgess ou MacLean, personne ne peut imaginer un seul instant au Palais Royal que ce monsieur Blunt, auréolé de son titre de professeur à Cambridge, est en fait un agent soviétique. Le cinquième homme entre pour sa part au ministère des Finances, et pas à n'importe quel poste. Il devient le gestionnaire des dépenses en matière de recherche pour le secteur de la défense. Et il ne va pas gêner, évidemment, pour demander des détails supplémentaires sur les projets qu'on lui soumet. Après tout, c'est lui qui paye, au nom du gouvernement de Sa Majesté. Ainsi, à son agent de liaison du NKVD, il remet les comptes rendus de projets d'armes téléguidées, tout ce qui concerne la recherche aéronautique, mais aussi les projets de développement des nouveaux radars et leurs emplacements. C'est du caviar qu'on envoie à Moscou. Place de la Loubianka, au siège du NKVD, on devrait jubiler. Mais en Union soviétique, plus qu'ailleurs, l'espionnage est toujours à l'origine d'une fièvre paranoïaque. Le Kremlin vit avec la peur de se faire manipuler. Alors, au lieu de se féliciter de posséder une telle source en Grande-Bretagne, les soviétiques se disent « Et si Philby, Burgess, MacLean, Blunt et le cinquième étaient des agents doubles ?» Autrement dit, chargés d'intoxiquer l'Union soviétique avec de fausses informations, ou en tout cas avec des informations non essentielles. Celui qui le dit, c'est le chef du NKVD en personne, Lavrenti Beria, un homme puissant, impulsif, inquiétant en un mot. Un individu très proche de Staline. Il estime que les Anglais ont très bien pu démasquer les cinq espions et les retourner. Dans l'émission Rendez-vous avec X, Patrick Penneau et Monsieur X abordent cet aspect qui est sans doute l'un des plus machiavéliques de toute cette affaire. C'est assez incroyable. À Moscou, on était tellement abasourdis et même débordés par la masse d'informations fournies par les espions de Cambridge qu'on a sérieusement cru que ceux-ci étaient peut-être en train d'intoxiquer les services soviétiques. On croyait que c'était des agents doubles. Oui, c'est cela, oui. Et le Kremlin s'est réellement méfié d'eux. Oui. Enfin, ça ne vous étonnera pas, étant donné la personnalité de Staline. Il a vu dans tout ça un coup tordu des services britanniques, un complot contre l'URSS. Oui, mais enfin, ces renseignements fournis par les cinq là, étaient pourtant d'une valeur primordiale. Et puis, il est toujours possible de les recouper. Hein. Oui, c'est vrai. Mais les soviétiques, avant de se rendre compte de leur erreur, ont quand même frôlé la catastrophe. Août 1945, à quelques jours d'intervalle, les États-Unis du président Truman bombardent les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki, utilisant l'arme atomique pour la première fois. L'équilibre précaire entre Moscou et Washington s'en trouve menacé. Entre les deux grands, le jeu de défiance se transforme en jeu de dupes. D'un côté comme de l'autre, le spectre d'une attaque atomique est dans toutes les têtes. Et c'est dans cette paranoïa ambiante que dans les semaines qui suivent, Kiel, Philby et ses quatre ex-camarades de Cambridge vont se retrouver pour la première fois en posture difficile. Il se trouve qu'à Istanbul, le vice-consul d'Union soviétique, Konstantin Volkov, se présente à l'ambassade de Grande-Bretagne. Et là, coup de théâtre, il demande l'asile politique pour lui et sa femme. En échange, il est prêt à offrir l'organigramme des agents du SKVD en poste à l'étranger. Et le diplomate soviétique va plus loin. Dans un entretien avec un homologue britannique, il lâche « Pour vous montrer ma bonne foi, je suis même prêt à vous nommer trois agents sous couverture que nous avons à Londres. L'un d'eux est chef de section au sein de vos services secrets. » Pour les cinq de Cambridge, l'heure est grave. Mais... et c'est là une étrange coïncidence, ou un heureux hasard. Celui que le SIS va choisir d'envoyer à Istanbul pour vérifier les déclarations de Konstantin Volkov, c'est Kim Philby, le patron de la section 9. Autrement dit, cet homme, agent double au service des soviétiques, va s'occuper de gérer un traître. Conscient de l'enjeu et de sa position infernale, Philby avertit l'antenne du NKVD à Londres. Puis il fait tout pour retarder la mission qu'on lui a confiée à Istanbul. Lorsqu'il arrive enfin sur place, en Turquie, c'est le week-end, l'ambassade est fermée. Philby doit donc attendre le lundi matin pour rencontrer Volkov en présence de l'ambassadeur. Or, entre-temps, le dimanche, en plein après-midi, une ambulance se présente devant les grilles de l'ambassade et repart quelques heures plus tard avec un homme allongé sur une civière, un drap blanc sur la tête. Cet individu, c'est Konstantin Volkov. Et les soi-disant ambulanciers sont en réalité une équipe des opérations spéciales du NKVD. Endormi à l'aide d'un puissant sédatif, Volkov est emmené sur l'aérodrome d'Istanbul, où l'on l'installe à bord d'un avion militaire soviétique direction Moscou. On ne le reverra plus jamais. Le lundi soir, Volkov étant toujours introuvable à Istanbul, évidemment, Philby rentre à Londres, soulagé. Les cinq de Cambridge sont sauvés, oui, mais pour combien de temps? Car un événement va précipiter leur chute. Une percée technologique sans précédent. Ou plus exactement, une percée technologique favorisée par le hasard et la saisie d'un double par les services de renseignement britanniques dans un bateau marchand soviétique qui travaillait pour le KGB en Norvège. Grâce à ce double, en effet, les services de renseignement britanniques et américains vont enfin pouvoir comprendre comment était organisé le codage des messages soviétiques. Ce code va prendre un nom qui sera pendant très longtemps ultra secret, Venona. C'est alors que la CIA et le SIS découvrent qu'un agent du NKVD se cacherait à Londres. Pire, l'individu en question travaillerait au sein de l'appareil d'État britannique. À ce stade, on ne sait pas grand-chose sur lui, à part qu'il répondrait au nom de code Homer. Parmi les premiers à être avertis de cette découverte, il y a le chef de la section 9 en charge de l'espionnage soviétique au MI6, Philby, qui comprend tout de suite qu'il y a danger. Car Homer, c'est le nom donné par les soviétiques à son ami Donald McLean, l'un des cinq membres de la bande de Cambridge. Afin de protéger, et indirectement lui-même, comme les trois autres de la bande d'ailleurs, Philby tente de gagner du temps et demande au NKVD de dénoncer d'autres informateurs. La manœuvre fonctionnera un temps. 2 ans plus tard, à l'automne 1950, malgré la dizaine d'agents britanniques chargés de retrouver le traître, le secret autour des cinq de Cambridge tient toujours. Kim Philby est désormais agent de liaison entre les services secrets britanniques et la CIA. À ce titre, il vit à Washington. Et qui loge chez lui? Guy Burgess, l'instable, l'alcoolisme exacerbé et l'homosexualité revendiquée. Il s'est fait renvoyer quelques mois plus tôt du ministère des Affaires étrangères à cause de ses frasques, justement ses frasques dans les bars et ses crises face à ses collègues. Pour calmer le jeu, Philby le fait venir aux États-Unis. Dès lors, Burgess se cantonne à un simple rôle de coursier. Il transmet les informations confidentielles que se procure Philby et il les fait passer aux agents du NKVD travaillant à l'ambassade d'Union soviétique dans la capitale américaine. Blunt, McLean et le cinquième homme, eux, continuent leurs activités à Londres. Mais dans l'ombre des salles d'écoute de la CIA et au quartier général des services secrets britanniques, les agents du contre-espionnage sont sur leurs traces et l'étau va bientôt se resserrer. That you long to. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Mars 1951, Londres, quartier de Westminster. Dans les sous-sols du 64 Victoria Street, siège des services secrets britanniques, plusieurs agents écoutent et retranscrivent des communications interceptées entre l'ambassade d'Union soviétique en Grande-Bretagne et Moscou. Après plusieurs mois d'enquête et de recoupement, les hommes du MI5, le contre-espionnage britannique, rappelons-le, poursuivent l'opération Venona et ils ont désormais réduit leur liste de suspects à 9 individus. Ils sont donc sur le point de retrouver l'identité du traître qui répond au nom de code Homer et qui serait infiltré chez eux. Mis au courant, Kim Philby, qui est alors en poste à Washington, prend les choses en main. Il demande à Burgess de rentrer de toute urgence à Londres. Ensuite, il use et abuse de son influence auprès d'autres chefs de service du MI6 pour retarder au maximum l'audition de McLean. Lorsque Guy Burgess lui apprend qu'il va être auditionné par le contre-espionnage, McLean est pris de panique. Dans la précipitation, les deux hommes contactent alors leur agent de liaison du NKVD. Moscou est donc informé de la situation et va mettre en place une opération d'exfiltration hors du commun. Les semaines passent, McLean disparaît des écrans radars, et le 7 juin, voilà ce qu'on peut lire à la une de la presse nationale en Grande-Bretagne. Deux diplomates britanniques sont portés disparus depuis 10 jours. Les deux hommes auraient été vus pour la dernière fois à Douvres. Certaines sources rapportent qu'ils auraient pu prendre un bateau à destination de la France. Aux dernières nouvelles, les détectives de Scotland Yard sont actuellement à Paris. Avec l'aide de leurs homologues français, les hommes du Yard passent le quartier de Montmartre, au lieu de la mouvance communiste, au peigne fin. Les deux diplomates en question, ce sont McLean et Burgess. Pris en tenaille par la police anglaise, le second a convaincu le premier de prendre la fuite. Bien plus tard, les autorités britanniques découvriront les coulisses de cette surprenante disparition. Après avoir rejoint par bateau Saint-Malo, les deux hommes ont embarqué dans les soutes d'un cargo polonais qui appareillerait pour rejoindre l'Union soviétique. Dès lors, aucun doute possible, les services secrets britanniques en sont convaincus, McLean et Burgess étaient bel et bien des traîtres et ils ont trouvé refuge à Moscou. Partout au Royaume-Uni, cette affaire est à l'origine d'un immense scandale et jette le discrédit sur les services de renseignement britanniques. Il ne faut pas longtemps aux enquêteurs de contre-espionnage britanniques pour faire le lien avec Philby. Philby, McLean et Burgess, copains d'université. Burgess, hébergé chez lui à Washington. Et de surcroît, les hommes du MI5 exhument la mystérieuse affaire de la disparition de Konstantin Volkov à Istanbul, un dossier dans lequel le rôle joué par Philby apparaît très trouble. Rappelé immédiatement à Londres, il est interrogé pendant plusieurs jours dans les sous-sols du SIS. Commence alors une étonnante partie de poker entre l'espion de 35 ans et les services secrets britanniques. Elle va durer 5 ans. À chaque fois qu'il est questionné sur McLean, Burgess ou sur ses liens avec le communisme, Philby, l'homme que l'on décrivait comme charismatique, doté d'un sens aigu de la répartie, se métamorphose et devient Philby, l'homme qui bégaye, qui tremble, qui a peur et qui plaide sa cause d'une voix frêle. Il se dit victime d'une chasse aux sorcières menée par les Américains. En 1955, le premier ministre britannique Macmillan finit par laver Philby de tout soupçon, affirmant qu'il n'existe contre lui aucune preuve à défaut de quelques soupçons. Comme le rapportera le journaliste Ben McIntyre, rapportant les propos de l'ancien directeur de la CIA, Alan Dulles, la raison d'État l'emporte souvent sur la vérité, ce qui n'étonnera personne. Le renseignement britannique et l'establishment qu'il représente en Grande-Bretagne feraient n'importe quoi pour protéger l'un des leurs. Pire, ils seraient même prêts à mettre la sécurité du pays en jeu si cela pouvait leur permettre de sauver la face. Mis à l'écart des services de renseignement, mais toujours ami avec certains officiers du MI6, Philby retrouve sa vie d'avant. Il redevient journaliste. Il se fait engager comme correspondant par les journaux The Observer and The Economist à Beyrouth. Sur place, la CIA, elle, continue de le surveiller. Mais à la surprise générale, c'est le MI6 qui va enfin trouver la preuve de la culpabilité de Philby. En décembre 1961, un major du KGB, Anatoli Golitsyn, passe à l'ouest et révèle que le plus précieux informateur de Moscou depuis le milieu des années 30, c'était Philby. Vent de panique et de stupeur au sein du Special Intelligence Service. Et le premier ministre britannique donne l'ordre de ramener illico presto Philby et de le placer au secret. Face à un agent spécial UMI 6 dépêché à Beyrouth, Philby, fatigué et éreinté par ce double jeu qu'il mène depuis des décennies, finit par avouer avoir espionné au nom de l'Internationale communiste, mais uniquement pendant la guerre. Deux jours après, il ne se présente pas à sa convocation, il disparaît. On découvrira sa photo 5 mois plus tard en une des Izvestias, journal de propagande soviétique. L'ancien chef de la section 9 est désormais à Moscou et sa trahison est révélée au grand jour. Mais ainsi ne prend pas fin l'affaire des 5 de Cambridge. Car 16 ans plus tard, le parfum du scandale va encore embaumer la capitale britannique. D'abord un scandale, un énorme scandale dont on n'a pas fini de parler en Angleterre. Après une enquête qui a duré un quart de siècle, les services secrets britanniques viennent de s'apercevoir que Sir Anthony Blunt, l'ancien conseiller artistique de la reine Elisabeth, était un espion à la solde de l'Union soviétique. Décidément, on ne peut plus se fier à personne. Non, et c'est même la règle dans le milieu de l'espionnage. Le 15 novembre 1979, en pleine session de la Chambre des communes, la première ministre britannique Margaret Thatcher doit reconnaître face aux députés qu'un espion soviétique a bien agi ici pendant plus de 30 ans à l'intérieur de l'establishment, là à Londres. Shocking. Celui qui a jeté un pavé dans la mare, c'est le journaliste Andrew Boyle. Dans un livre publié quelques jours plus tôt et intitulé « Climat trahison », il révèle que Sir Anthony Blunt, professeur émérite à l'université de Cambridge et qui était jusque-là à la retraite, l'an passé, le conservateur en chef des tableaux du Buckingham Palace et le conseiller personnel de la reine d'Angleterre pour les arts, eh bien ce monsieur faisait partie du réseau de la bande dite des espions de Cambridge. Blunt, écrit Boyle, aurait été de mèche avec Donald MacLean, Guy Burgess et Kim Philby. Face à la caméra d'Antenne 2, Boyle raconte que Blunt avait pour mission non pas d'informer, mais de recruter de futurs possibles agents pour alimenter le réseau d'espionnage communiste en Europe et particulièrement en Grande-Bretagne. Boyle ajoute que ce sont les services secrets américains qui lui ont donné la clé de cette affaire. En fait, ce sont un peu les services américains, les services secrets, qui ont révélé l'affaire. Oui, dans le cours de nature, pour ainsi dire. Comment pendant 15 ans on a pu cacher cette affaire alors que des gens étaient au courant en Angleterre? Ah oui, beaucoup de gens. Mais vous savez que en Angleterre, il y a une attitude qui, je crois, vient de la nature anglaise elle-même. Une obsession avec les secrets. Alors la question qui se pose maintenant, puisque vous avez déjà fait des révélations, y a-t-il d'autres personnalités qui sont impliquées dans cette affaire? Y a-t-il d'autres personnalités qui sont des espions soviétiques? Environ 30, je crois. Harcelé par la presse, le principal intéressé, Anthony Blunt, justifiera plus tard son action lors d'une entrevue accordée à la BBC. Au seuil des années 30, il m'a semblé, ainsi qu'à beaucoup de mes contemporains, explique-t-il, que le Parti communiste soviétique constituait le seul véritable rempart contre le fascisme, alors que les démocraties occidentales restaient incertaines à l'égard de l'Allemagne. Dans la foulée, Blunt fait une nouvelle révélation fracassante. Il dit « Je suis surpris de l'ampleur que prennent les choses, car j'avais déjà avoué depuis longtemps, en échange de mon immunité et de la promesse que le secret autour de mon dossier soit à jamais gardé. » L'affaire Blunt secoue et traumatise une nouvelle fois l'Angleterre. Elle rouvre les plaies de la trahison et de la fuite de Kim Philby 16 ans plus tôt. L'opinion publique est prise de vertige et ne s'imagine pas qu'il y avait, en plus de MacLean, Burgess et Blunt, un cinquième homme, lui aussi membre du réseau de Cambridge, lui aussi espion téléguidé par Moscou. 11 ans plus tard, au début du printemps 1990, nouveau et dernier coup de théâtre dans l'affaire des espions de Cambridge. Un transfuge soviétique, ancien agent du KGB qui répond au nom d'Oleg Gordievsky, affirme à l'historien Christopher Andrew que le mystérieux cinquième homme de la bande de Cambridge celui que tout le monde recherche depuis 30 ans, eh bien cet individu s'appelle John Cairncross. Réfugié en France, il vit discrètement. Il exerce la fonction de traducteur pour des livres de poésie ou des pièces de théâtre. Grâce aux informations fournies par Karol Wietzki, une équipe de l'agence France Presse retrouve sa trace en Provence et tente d'interviewer sa femme devant les grilles de leur maison. Avec quel journal ? C'est l'AFP, l'agence France Presse, hein, qui dit que M. Cairncross était le cinquième homme de l'affaire Philby. Et donc, il était un espion au service du NKVD. Écoutez, vous lui faites lire et je vous attends ici. D'accord ? Merci. Alors ? Pour maintenant, c'est nos commentaires. Oui, mais nous voulons avoir ce livre. Avoir ? Le livre, le book. Oui, mais quand même, M. Cairncross peut répondre si oui ou non il l'était. Non, non. Quoi ? Il n'était pas un espion ? Nos commentaires. Face à des journalistes de la BBC, Cairncross n'ira jusqu'à sa mort en 1995 avoir été le cinquième homme, complice de Philby, MacLean, Burgess et Blunt. Mais avec la fin de la guerre froide, d'autres anciens espions soviétiques comme Yuri Modin affirmeront que Cairncross faisait bien partie de la bande et qu'il a d'ailleurs été l'un des meilleurs informateurs de l'Union soviétique en Grande-Bretagne. Personnage central de toute cette affaire, Kim Philby connaît une vie de héros en Union soviétique. Il donne des conférences à l'école du KGB, il forme les officiers de la Stasi, la police politique d'Allemagne de l'Est. Un héros portant son vraie gloire. Un héros qui devient alcoolique et dépressif et qui finira par mourir seul chez lui d'une crise cardiaque au printemps 88. Pas terrible pour un James Bond soviétisé. Quant à Donald MacLean et Guy Burgess, la vie en URSS ressemble davantage à l'enfer qu'à l'Eldorado qu'ils avaient tant espéré. Car ils voient de leurs yeux que la lutte des classes existe toujours ici, le peuple d'un côté, la nomenclatura de l'autre, et tout cela sans liberté. D'ailleurs, ils vont mourir quelques années seulement après leur passage en URSS. Aujourd'hui encore, si l'affaire dite des 5 de Cambridge continue de passionner, de fasciner, c'est qu'une rumeur prétend qu'ils n'auraient pas été que 5, mais bien davantage. Certains disent même qu'ils auraient été une quinzaine au total, voire une trentaine, et que le NKVD leur aurait d'ailleurs donné ce surnom, les mousquetaires de Staline, qui, comme chacun le sait, étaient plus de 3. Oh, France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, des espions en cavale, deuxième et dernier épisode de notre série consacrée à l'histoire des cinq de Cambridge. Notre invité, Privet Sergei Olegovitch Yernov. Здравствуйте, здравия желаю, товарищ Фабрис Друэль. Я не понимаю русский. Нет, ça veut dire je ne parle pas russe, ce qui est, contrairement aux apparences, ben non, je ne parle pas russe. Okay. Ravi de vous recevoir une deuxième fois pour le deuxième volet de cette affaire. Je rappelle que vous êtes ancien officier supérieur des services de renseignement d'Union soviétique, que vous êtes donc un témoin privilégié de cette affaire, comme bien d'autres d'ailleurs. Lors de votre formation à l'école du KGB, vous avez assisté à une conférence de Kim Philby, et puis dans votre livre intitulé « Pourchassé par le KGB, la naissance d'un espion », paru aux éditions Corpus Delicti, vous revenez sur votre recrutement, vos opérations clandestines, votre vie d'agent. Alors, exactement. Le cinquième homme dont nous parlions hier, nous avons dévoilé son nom dans le récit d'aujourd'hui, donc John Kane Cross. Alors ce monsieur, parlez-moi de ce monsieur, déjà. Lui, d'ailleurs, c'est une fausse nouvelle qu'on apprend très tard, parce que les Britanniques savaient que cette personne travaillait pour les Soviétiques déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que lui, normalement, il était dans les ministères, mais même dans les fictions, certaines fictions, on le met dans à Bletchley Park, vous savez, dans l'endroit où les Britanniques avec Alan Turing essayer de craquer le code d'Enigma. Ce qu'on disait hier, mais attendez, parce que si les services secrets britanniques savaient que Ken Cross travaillait déjà pour les Soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale, pourquoi ils laissent agir ? Bah voilà, c'est la grande question. C'est la grande question, pourquoi ils laissaient agir ? Personne ne sait répondre à cette question. Mais c'est la même chose par rapport à Anthony Blunt, parce que lui, dans son interview, il a dit clairement qu'il a raconté déjà qu'il a subi des interrogatoires par le MI5 et qu'il a raconté sa collaboration avec les Soviétiques. Seulement, on lui a promis une immunité et on lui a promis le secret. Et donc, il était assez désagréablement surpris quand le gouvernement britannique a fuité cette collaboration et quand tout ça est sorti au grand jour. Mais alors, quand des services secrets sont dans le camp des perdants, c'est ce qui a été le cas à un moment pour l'Angleterre, avec ces cinq-là qui ont donné beaucoup d'informations aux Soviétiques. Est-ce qu'il y a la tentation d'étouffer l'affaire pour pas qu'on dise eh ben, les services secrets britanniques ont été mauvais. Est-ce qu'on cache en fait la vérité ? Bien évidemment, oui. De la part des services secrets, il y a cette tentative d'un côté, et de l'autre côté, vous imaginez Anthony Blunt, il était le cousin d'Elizabeth Bowes Lyon, épouse du roi George V et mère de l'actuelle reine Elizabeth II. Ah oui. Donc il a du sang royal dans ses veines. Il était conservateur des collections royales de 45 à 73, et donc, en royauté, on n'emprisonne pas les parents consanguins de la reine. Et surtout, le Royaume-Uni, faut pas oublier, c'est une démocratie, c'est un état de droit, avec les cours de justice. Et quand on doit poursuivre les espions, ou les supposés espions, on doit présenter les preuves formelles qui sont admissibles auprès des cours, donc on doit raconter des secrets, et ça embête beaucoup, beaucoup, beaucoup les services secrets. Alors, on va parler de ce qui se passe pour trois d'entre eux, qui vivent ensuite en URSS. Kim Philby et ses compagnons vont très vite se retrouver confrontés à une réalité qu'ils ignoraient. Ça va être terrible, parce qu'ils étaient vraiment convaincus que le communisme était un paradigme nouveau, bon pour l'homme, en tout cas par rapport à la montée des fascismes. Et là, ils découvrent une société totalitaire, corsetée, sans liberté, avec une économie planifiée qui porte en soi les germes de l'échec. Hein. Donc c'est pas ce qu'on appelle vraiment une réussite. Comment ils vivent ça ? Ils vivent ça déjà très très mal. Déjà, ils ne se trouvent pas tout de suite à Moscou. On les quand Budge et McLean se retrouvent en 1951 en URSS, on les expédie à Kouïbouchev et ils passent, je crois, un ou deux ans à Kouïbouchev. Ça veut dire en province. Ils voient personne. Vous imaginez Budge qui était un dandy homosexuel qui adorait boire du champagne à 6h du matin. Il se retrouve dans un pays gris où on boit que de la vodka, où l'homosexualité est poursuivie par le code pénal, donc l'article 121 qui lui assurait 8 ans de prison ferme si jamais il mettait ça trop en valeur. Donc bien évidemment ils sont déçus. Après ils ont commencé quand même. Enfin le sort des trois n'était pas pareil. Donc celui qui a le moins bien réussi, c'est Guy Burgess. Lui, il tombe assez rapidement dans l'alcoolisme et il meurt très très rapidement en 63, quasiment quelques mois après le passage de Philby. Mm-hmm. Celui qui a réussi le mieux sa reconversion professionnelle, c'est Donald McLean. Il est devenu, contrairement à ce que vous avez raconté, enfin ce que le journaliste Beck McIntyre raconte, mm-hmm. il est devenu chercheur à l'Institut de Relations Internationales auprès de l'Académie des Sciences de l'Union Soviétique. Il a soutenu une thèse doctorale, il a publié des livres, il a publié des articles géopolitiques. Il a appris à parler russe, donc lui, il a réussi assez bien, sauf qu'il a perdu sa femme, parce que c'est Philby qui lui pique sa femme. Donc ah du bon coup, il y avait des histoires comme ça, et du coup, ils se sont plus parlé après ça, et Philby ne parlait déjà ni à lui, ni à Guy Burgess, enfin, surtout à Guy Burgess avant, parce que quand Guy Burgess part de Washington pour prévenir McLean, normalement, il devait le prévenir et revenir à Washington. Oui. Et lui, en fait, il a foutu le camp avec McLean, et ça veut dire qu'il a mis prosaïquement dans la merde Philby. Et donc du coup, c'est tout un micmac entre eux. Et on dit même que Philby n'a pas voulu assister aux funérailles de Budge, etc. Et donc voilà. Puis Philby, à son tour, quand il passe en 63 en Union soviétique, il se retrouve au milieu de nulle part. Il devient aussi assez rapidement alcoolique et c'est une Russe, Rufina, sa future femme, avec laquelle il se marie. Parce que en fait, en 63, il était marié à une Américaine. Donc là aussi, c'est toute une histoire. Il est venu à deux reprises le voir. Après, ils ont divorcé. Donc c'est un bordel total dans leur vie. Bon, en tout cas, les histoires d'espionnage fascinent tout le monde, jusqu'à Petula Clark qui chantait L'agent secret. Soyez discret, ne faites pas comme 01 qu'on a trouvé mort dans son bain. Pour être un agent secret, il vaut mieux rester muet. Ne faites pas comme 02, mort d'une balle entre les deux yeux. Du nez, voyez l'agent 03, c'est le poison qui l'emporta. Pour être un agent secret, au pire il faut s'exposer. Voyez l'agent 04, ils ont bien fini par l'abattre. Pour être un agent secret, les filles se méfier, 05 ne l'a pas cru, c'est pour ça qu'il fut descendu. 06, vous le savez, lui aussi fut liquidé, il avait un grand couteau bien planté au milieu du dos. Meilleur agent secret, je crois qu'il fait du ciné. Regardez bien 6 plus 1, oui ça fait 7, vous comptez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est devenu vedette dans les films qui font recette. C'est le seul qui n'est pas mort, c'est vraiment lui le plus fort. plus fort, c'est vous, Sergueï Dironov. Merci. Dites-moi, comment cette histoire des cinq de Cambridge est-elle perçue aujourd'hui en Russie? Est-ce que Vladimir Poutine, qui sait être opportuniste, a essayé de se l'accaparer, par exemple, non? Ah, tout à fait. Il essaie de s'accaparer de cette histoire parce que en réalité, malgré tous les efforts, malgré l'accroissement des services de renseignement actuels, les opérations très agressives à l'étranger, son régime n'arrive pas à reproduire les mêmes succès que l'URSS. Et donc, c'est une sorte et surtout la Russie ne possède plus d'un idéal universel qu'elle pourrait proposer au monde. L'Union soviétique, on pouvait la critiquer, mais elle avait l'idéal du collectivisme face à l'individualisme des États-Unis ou du monde occidental. La Russie de Poutine n'a pas d'idéal. Et donc, du coup, Poutine, pour moi, c'est un nécrophile qui déterre les cadavres du temps soviétique et les décore pour le peuple qui, à 80%, se compose de zombies vivant dans le passé révolu pour toujours. Voilà ce qui se passe actuellement en Russie, et notamment pour Philby, en 2009, il a inauguré une plaque commémorative sur les murs du bureau le bureau de presse du SVR, en présence de la femme, enfin de la veuve de Philby. Mais bon, après, le truc, c'est que Poutine, déjà, c'est un traître parce qu'il n'a pas respecté son serment solennel, il n'a pas défendu l'URSS quand c'était la fin, en 1991. Et en fin de compte, Philby a eu de la chance de mourir en mai 1988, en pleine perestroïka, parce qu'il a échappé d'un an et demi seulement à la chute du mur de Berlin, de trois ans et demi à la liquidation du KGB, à l'interdiction du Parti communiste de l'Union soviétique et à la dislocation du URSS. Sinon, à mon avis, il se serait suicidé. Alors, j'ai reçu ça à hasard, hein. J'ai reçu ce matin dans mon bureau un livre écrit par l'un de mes confrères du Monde, Jacques Folleroux. C'est à paraître le 24 septembre, donc ce livre, vous ne pouvez pas le trouver dans les librairies encore. Ça s'appelle « La guerre secrète des espions ». Et je suis tombé sur une page qui est intéressante et je voudrais vous soumettre deux, trois lignes qu'il a écrites et j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Alors il dit « Les espions ne sont pas morts. Il est communément admis aujourd'hui que cette figure mythique du soldat de l'ombre aurait sombré dans les oubliettes de l'histoire. La chute du mur de Berlin en 89 aurait sonné son déclin avec la fin de la guerre froide issue du second conflit mondial. La flamme de l'agent secret entretenu par les États comme par la littérature ou le cinéma se serait peu à peu affaibli dans un monde où le dialogue multilatéral aurait supplanté les rapports de force entre les deux blocs. Alors j'en passe, il conclut en disant que cette figure de l'espion aurait enfin été submergée par une autre révolution, celle de l'Internet et du Big Data. L'auteur considère d'ailleurs que tout ça, ce sont des idées reçues, que ce n'est pas vrai, que l'espionnage humain existe encore, existe bel et bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis absolument pas d'accord. Donc, moi, je vais pas déjà acheter ce livre. Ça, c'est sûr. Excusez-moi. Mais vous avez le droit de pas être d'accord. Pour l'auteur. Parce que nous avons, toute l'actualité. Il y a déjà la semaine dernière, enfin, il y a quelques jours, le lieutenant-colonel de l'armée française a été arrêté parce que, il travaillait pour les Russes. Rien qu'en été, vous savez, il y avait des Russes qui étaient expulsés. C'est des États-Unis, de Hollande, d'Autriche, etc. Non, mais ça, c'est tout faux, ça. Ah non, mais justement, vous êtes d'accord avec lui, en fait, on s'est pas compris. Lui dit, en réalité, les espions à l'ancienne sont toujours là. Ah oui. Donc, en fait, voilà, il dénonce. Oui, tout à fait. Idée reçue. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, vous êtes d'accord. Écoutez, on va écouter une archive qui dit la même chose. Et il s'agit d'une entrevue de l'écrivain Éric Laurent. En 1990, il revenait sur l'affaire qu'on a racontée aujourd'hui et sur l'espionnage en général, parlant de phénomènes inarrêtables. Écoutons. Moi, il y a une chose que je trouve formidable dans l'espionnage, c'est qu'en fait, au-delà des interrogations, d'abord, il est clair que, on l'a beaucoup dit, ça c'est vrai, que durant la période détente, jamais l'espionnage de tout camp, d'ailleurs, dans tous les camps, n'a été aussi efficace et aussi âpre. Mais ça ne change rien. Les données politiques ne changent rien au fait que l'espionnage est probablement lié à quelque chose de fondamental, qui est la nature humaine. Je veux dire, vous n'empêcherez jamais les gens, en effet, d'avoir le désir de jouer avec les autres, le désir, en effet, de trahir, de manipuler, le désir de séduire, séduire. Et en plus de tout ça, je veux dire, il y a en effet des camps où on joue un jeu qui est un jeu de chausse-trappe extrêmement subtil. Si vous voulez, le monde de l'espionnage a ça de fascinant, c'est que c'est un monde presque, dirais-je, littéraire. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fasciné énormément de grands écrivains. C'est un monde qui est à la fois de fiction et qui est en même temps une autre réalité. On passe de l'autre côté du miroir. Et c'est en même temps quelque chose d'indicible. On fabrique là une autre réalité. Mais en même temps, c'est extrêmement jubilatoire pour les gens. Vous n'empêcherez jamais les gens de faire de l'espionnage. Ouais. Jamais. Sergueï, est-ce que c'était jubilatoire d'être agent de renseignement? Je suis parfaitement d'accord et tout à fait d'accord avec ça. L'espionnage, c'est quelque chose. Je disais même de mon côté que l'espionnage, c'est la possibilité aux fils bobos et bourgeois de vivre une aventure, de jouer les criminels avec l'impunité. Mais enfin, l'impunité jusqu'à un certain point, si on sait serrer. S'ils sont pris sur le fait, oui. Mais ah bah oui. Si travaillent sous la couverture diplomatique, on les expulse, ils risquent rien. Ah oui. Bon, donc espion n'est pas un métier forcément dangereux. Vous avez aussi les pays du tiers-monde où il n'y a pas encore toute la technologie moderne. Mm-hmm. Et là, le NSA américain ne peut rien faire. Hein. Vous avez les talibans qui débranchent leurs téléphones portables, aller les cueillir et aller les écouter sans les téléphones portables. Donc non, l'espionnage il a toutes ses chances à survivre à ça. Dernière chose, puisque vous êtes russe, les services secrets russes aujourd'hui, FSB et GRU, c'est ça? Non, le SVR et GRU. FSB, c'est un service de sécurité. D'accord. Performants, ils sont très actifs dans tous les pays. C'est important. Ils sont très très actifs. Ça, j'ai eu déjà à plusieurs reprises la chance de le dire. Vous regardez. Enfin, moi, j'ai été au SVR. Mmh. Donc, je connais très très bien le quartier général de Yassinevo. Vous prenez Google Maps, ouais. Et je peux vous indiquer que il y a deux fois plus de bâtiments dans le côté opérationnel dans le quartier général de SVR. Que à mon époque. Et ces bâtiments ne sont pas vides, donc il y a deux fois plus de personnes qui travaillent. Donc là, n'oublions pas que l'Union soviétique c'était un grand pays qui se composait de 15 républiques, oui. Qui sont devenues chaque république un pays indépendant, oui. Et que la Russie qui n'en représentait que la moitié de la population finalement a conservé l'espionnage et l'a doublé. Donc en réalité le niveau en termes non pas absolu a quadruplé par rapport au temps de l'Union soviétique. Ce sera le mot de la fin car il est l'heure, Sergueï Girnov. Merci deux fois, merci pour hier, merci pour aujourd'hui. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les 5 de Cambridge, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Tristan Gratanon qui était à la technique aujourd'hui. Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission au Tristan Bernard à Paris à partir du 22 septembre.